Chapitre 15. La poterie, construction du kayak, la gelée d'algues marines, la garenne. On se doute bien que chacun des enfants avait envie d'un chapeau neuf, et je leur promis de m'en occuper bientôt, à condition qu'ils se chargeraient de me procurer les matériaux nécessaires. Je les avertis en même temps de chercher à découvrir de gros chardons ou quelques plantes semblables, dont l'usage serait excellent pour donner à notre feutre un poli encore plus parfait. Ensuite, je leur fabriquai à chacun une demi-douzaine de souricières en gros fil de fer, dont ils pourraient se servir pour prendre des ondatras, des radeaux et des loutres. L'appât dont nous nous servions pour les animaux rongeurs était la carotte d'Europe, et pour les animaux aquatiques, nous avions une espèce de sardine assez commune sur nos côtes et dont la chair n'était pas à dédaigner pour d'aussi délicats amateurs de poissons. Par forme de plaisanterie et pour obtenir un dédommagement de mes peines, je décidai que chaque cinquième animal pris dans les souricières m'appartiendrait de bon droit. De cette manière, j'espérais me procurer bientôt les matériaux d'une nouvelle coiffure. Les enfants acceptèrent ce marché, à l'exception de Franz, qui demanda si, possédant déjà un chapeau, il devait être soumis au tribut. Je lui fis observer qu'il était bien plus noble de reconnaître un service passé que de travailler à mériter un bienfait à venir. « Il est plus pénible, ajoutai-je, de s'acquitter après qu'avant. » La dernière méthode nous séduit par une apparence de grandeur, tandis que la première ne saurait être considérée que comme l'accomplissement d'un devoir. L'heureux succès de la chapellerie m'encouragea à entreprendre quelque nouveau travail, et je songeai d'abord à la terre à porcelaine. Mais comme je n'en avais qu'une petite provision, je dus commencer par quelques essais sans importance avant de me livrer à ma grande entreprise. L'argile fut aussitôt transportée dans la grotte aux selles, avec une table et quelques planches en guise de séchoir. Une roue de canon me servit de tour, et je me vis bientôt en état de fabriquer des vases de forme commune. Je résolus de satisfaire d'abord un désir de ma femme, qui demandait depuis longtemps des pots à lait de porcelaine pour remplacer les calebasses dont l'usage était incommode. Tous mes préparatifs terminés, je pris une poignée de terre à porcelaine que je mêlai avec une certaine mesure de talc pulvérisé. Après avoir lavé et purifié le mélange, j'étendis la pâte sur mon séchoir. Puis je fis avec une portion de ma pâte un certain nombre de vases de différentes grosseurs que je mis au feu dans un vaisseau de terre commune. Ils en sortirent blancs comme la neige et sans avoir éprouvé aucune altération, car le talc dont j'avais mélangé ma pâte lui avait donné assez de consistance pour résister à l'action du feu. Je tirai du magasin la caisse de grains de verre destinée au commerce avec les sauvages, et j'en choisis un certain nombre parmi les blancs et les rouges que je me mis en devoir de réduire en poussière à l'aide d'un marteau. Puis je répandis cette poussière avec soin sur mes vases à moitié cuits. Ainsi que je l'avais prévu, l'action du feu ne tarda pas à me donner le plus bel émail qu'il fut possible d'attendre d'un système si imparfait. Le succès de ce premier essai m'encouragea à continuer et à mettre en œuvre le reste de ma terre à porcelaine avec le reste des grains de verre. Le résultat de ma seconde expérience fut de nous procurer 6 tasses à café avec leur soucoupe, un pot au lait, un sucrier et 3 assiettes. 2 pièces avaient manqué totalement. Ce qui sortit du four était plutôt à la manière chinoise qu'à la véritable façon anglaise. Ce résultat, si médiocre en apparence, m'avait coûté plus de peine qu'il n'est facile de se l'imaginer, car il avait fallu commencer par faire des moules de bois aussi délicats que mon tour grossier me le permettait. Ces modèles m'avaient servi à former des moules en plâtre, sur lesquels j'avais ensuite appliqué ma pâte. Puis, après avoir laissé quelque temps mes vases sur le séchoir, je les avais exposés à la chaleur du four dans un cylindre de terre commune. Il avait ensuite fallu laisser refroidir l'appareil plusieurs heures. Quant à la peinture, je m'étais contenté de permettre à Fritz de dessiner sur les assiettes une guirlande de feuilles vertes avec des fruits jaunes et rouges, ce qui nous sembla d'un effet très agréable à l'œil. Faute d'une plus grande quantité de terre à porcelaine, dont la saison des pluies nous empêchait d'aller faire une seconde provision, je déclarai à la satisfaction générale que nous allions nous occuper du condor et de l'urubu. Les peaux furent lavées de nouveau à l'eau tiède et recouvertes d'un léger enduit de gomme d'euphorbe destiné à prévenir l'attaque des insectes. Je pris pour figurer le corps plusieurs morceaux du liège qui avait servi à la construction de notre chaloupe. Les jambes et les cuisses furent formées de deux bâtons recouverts de coton. Ensuite, chaque oiseau fut fixé à sa place au moyen d'une tige de laiton. Il nous manquait encore les yeux, mais n'ayant pas oublié mon expérience du matin, j'en composai deux paires avec le reste de porcelaine et de l'émail. Moyennant cette importante addition, les deux animaux devinrent l'ornement de notre cabinet d'histoire naturelle. Il restait à s'occuper des œufs d'autruche qui n'étaient pas éclos et dont nous nous étions bien gardés de briser la coquille. Je leur fis à tous des pieds du plus beau bois que je pus me procurer. Les uns furent destinés à recevoir des fleurs, les autres à servir de vase à boire. Nous nous trouvions alors au milieu de la saison des pluies. La plupart de nos travaux étaient terminés et l'éducation de l'autruche ne remplissait qu'à demi nos moments perdus. Il en résultait que les enfants allaient se trouver dans une funeste inaction si je n'eusse songé à quelques nouveaux projets pour occuper leurs heures de loisir. Leur activité se réveilla lorsque j'eus proposé de nous occuper de la construction d'un kayak groenlandais. « Nous avons en Brausewind notre voiture de terre, » s'écria Fritz. « Il nous faut maintenant un coche d'eau, afin de prendre enfin connaissance des bornes de notre empire, entreprise qui ne peut manquer de nous conduire à de précieuses découvertes. » La proposition fut accueillie avec autant d'empressement qu'elle avait été faite. Seulement la bonne mère demanda ce qu'il fallait entendre par un kayak, et lorsqu'elle eut appris qu'on désignait par ce nom une espèce de canot de peau de chien de mer, elle blâma hautement notre entreprise, n'ayant pas oublié son vieux ressentiment contre l'océan. À force d'éloquence et de prières, nous finîmes par obtenir, non pas son approbation, mais son silence, et chacun se mit à l'ouvrage avec ardeur, afin que la carcasse, au moins, fût prête avant le retour des beaux jours. Dans cette nouvelle construction, comme dans celle de la chaloupe, je me proposai de suivre mes propres idées relativement à la forme et à l'exécution, ne doutant pas qu'un sage européen ne dût avoir l'avantage sur l'ignorant habitant d'une contrée glaciale. Je commençai donc par préparer deux pièces de carène avec les deux plus grands fanons de la baleine dont je réunis fortement les extrémités. Cette carcasse grossière fut enduite de la même résine qui nous avait servi à calfater notre chaloupe. Elle avait environ 12 pieds de longueur d'une extrémité à l'autre. Je pratiquai dans la quille deux entailles d'environ 3 pouces destinées à recevoir des roulettes de métal qui devaient faciliter les mouvements du canot sur la terre ferme. Les deux pièces de quille furent alors réunies par des traverses de bambou et leurs extrémités solidement fixées de manière à présenter deux pointes, l'une à la proue, l'autre à la poupe. À chaque extrémité s'élevait une troisième pièce perpendiculaire destinée à appuyer les sabords. Je fixai ensuite un anneau de fer au point de réunion des deux pièces de la quille afin d'avoir de quoi tirer l'embarcation à terre et l'attacher en cas de besoin. Les solives de ma carcasse étaient de bambou, à l'exception de la dernière de chaque côté que je jugeai à propos de fer en roseau d'Espagne. La forme du bâtiment était bombée et les sabords allaient en s'abaissant vers l'avant et vers l'arrière. Enfin, le bâtiment était recouvert d'un pont sauf une étroite ouverture au milieu, destinée à servir de siège et entourée d'une balustrade de bois léger sur laquelle le manteau du rameur pouvait s'ajuster de manière à le dérober à tous les regards et empêcher les vagues de parvenir jusqu'à lui. Dans l'intérieur de l'ouverture, j'avais disposé une espèce de banc pour le rameur qui pouvait s'y asseoir lorsqu'il était fatigué de demeurer à genoux. Ceci était une modification au système groenlandais, car au Groenland, le rameur est obligé de demeurer accroupi ou de s'asseoir les jambes étendues, position pénible et peu favorable au déploiement des forces qu'exige la manœuvre d'un pareil bâtiment. Après bien des peines et des expériences, j'eus la satisfaction de voir la carcasse de mon kayak achevée selon mes souhaits, à l'exception du banc qui avait peut-être 2 pouces de trop. Sa construction élastique promettait les plus heureux résultats, car l'ayant jeté avec force sur un sol rocailleux pour éprouver sa solidité, je le vis rebondir comme une balle et sa construction était si légère que même avec son chargement, le corps du canot ne tirait pas un pouce d'eau. Il s'agissait maintenant de mettre la dernière main à mon ouvrage, ce qui demanda encore bien du temps et du travail. J'en veux donner immédiatement les détails, afin de terminer cet important sujet. Je commençai par choisir les deux plus grandes peaux de chien de mer que j'avais eu soin de laisser intactes en les écorchant. Après leur avoir fait subir la préparation ordinaire, je les fis sécher au soleil. Puis nous les frottâmes longtemps de résine, opération qui leur donna assez de souplesse pour pouvoir les appliquer comme une enveloppe élastique sur la carcasse du canot. Avant d'achever cette dernière opération, nous avions tapissé l'intérieur du canot avec d'autres peaux préparées de même et calfaté les jointures avec un soin tout particulier de manière à les rendre imperméables. Le pont fut formé de cannes de bambou, également recouvertes de peaux de chien de mer, et disposées de manière à former de chaque côté un bordage de quelques pouces de hauteur. Les jointures du pont furent remplies de résine, ce qui leur communiqua une solidité peu commune. J'avais placé l'ouverture du canot sur l'arrière, espérant que l'avant pourrait recevoir plus tard une petite voile. En attendant, le léger bâtiment devait être gouverné par une double rame, que je taillais d'une longueur un peu plus qu'ordinaire, la garnissant d'une vessie à son extrémité, de manière qu'en cas de malheur, la vessie pût servir à la soutenir sur l'eau. Il fallait s'occuper maintenant de l'équipement du canot. Nous eûmes alors recours à l'habileté de ma femme pour composer une paire de corsets de natation. Sans cette précaution, jamais je n'aurais permis à un de mes enfants d'entrer dans le canot, car une lame pouvait pénétrer par l'ouverture et remplir le bâtiment, et dans ce cas le rameur courait le risque de ne pouvoir se dégager et d'être submergé avec le kayak. D'après mon conseil, les corsets furent faits de boyaux de chien de mer. Ce nouveau vêtement consistait en une espèce d'étui collant sur le corps, avec une ouverture à chaque extrémité pour qu'on pût le passer à peu près comme une chemise. Ce vêtement ne descendant que jusqu'à mi-corps, et d'autres ouvertures ayant été pratiquées pour les bras et le cou, le nageur devait conserver toute la liberté de ses mouvements. Telles furent les occupations au moyen desquelles je réussis à nous faire passer agréablement le temps des pluies. Il ne faut pas oublier non plus la lecture, les entretiens familiers et les travaux domestiques. Aux premières approches du beau temps, nous commençâmes à sortir dans l'intention de reprendre nos occupations en plein air. Le premier vêtement de mer avait été destiné à Fritz et par une belle après-midi, on résolut d'en aller faire l'épreuve. Le kayak fut donc mis à flot et Fritz s'élança fièrement à sa place. L'épreuve ayant réussi au-delà de toute espérance, ma bonne femme fut suppliée de faire un vêtement pareil à chacun des enfants. Bientôt, nous allâmes faire une visite à nos antilopes, que nous réjouîmes fort en leur portant du fourrage frais et une espèce de bouillie composée de sel, de maïs et de gland pilé, dont elles se montrèrent extrêmement friandes. Il était facile de s'apercevoir, à l'état de la litière, que nos hôtes avaient fait un usage constant de leur retraite, et ils ne tardèrent pas à recevoir une nouvelle provision de joncs et de feuilles de roseau. Je profitai de l'occasion pour parcourir l'île en tous sens, afin de rapporter une nouvelle provision de coraux et de coquillages pour notre muséum. Nous remarquâmes aussi une quantité d'algues marines, dont la bonne mère nous pria de mettre une cargaison dans le canot. À notre retour, elle choisit parmi les algues une espèce de feuille en fer de lance dentelée et de 6 à 7 pouces de longueur. Après les avoir lavées avec soin, elle les mit sécher au soleil, les fit rôtir au four et alla les serrer dans le garde-manger avec une mystérieuse solennité. Un peu surpris de cette grave opération, je lui demandai en plaisantant si elle avait l'intention de renouveler notre provision de tabac. Elle à qui l'agréable parfum des pipes avait eu le don de déplaire si complètement jusqu'à ce jour. Elle me répondit en souriant. « Je veux remplir nos paillasses d'algues marines afin de les rendre plus fraîches pour la saison des chaleurs. Un jour, vous me saurez gré de ma prévoyance. » Mais ses yeux avaient une telle expression de malice en me faisant cette réponse qu'il ne me fut pas difficile de comprendre que pour cette fois, ma curiosité ne serait pas satisfaite. Un jour que nous revenions, accablés de fatigue et de chaleur, d'une expédition laborieuse à Falkenhorst, ma femme plaça devant nous, dans une calebasse, la plus belle gelée transparente qu'un homme pût désirer pour apaiser à la fois sa faim et sa soif. Nous ne pouvions assez nous extasier sur cette merveilleuse apparition, dont le goût n'était pas moins délicieux que la vue. Depuis longtemps, nous n'avions rien goûté de plus savoureux et de plus rafraîchissant. Alors ma femme me dit en souriant, « Oui, mon cher ami, ceci est un essai de votre cuisinière qui a fini par s'ennuyer des vieilles recettes. Vous avez là un plat d'algues marines, car vos railleries ne m'ont pas empêché de conserver jusqu'à ce jour celles que je vous ai fait ramasser dans l'île aux requins. » Moi, voilà qui est merveilleux, en vérité. Mais comment l'idée de ce plat a-t-elle pu te venir? C'est à peine si je me rappelle d'en avoir lu quelque chose. Ma femme, vous autres hommes, vous croyez les pauvres femmes faites d'un limon inférieur au vôtre, et vous aimez à ne leur supposer d'autres idées que celles qu'il vous plaît de leur donner. Mais si la sagesse des livres nous manque, il nous reste l'esprit d'observation, qui souvent la vaut bien. Voici un plat qui peut servir de preuve à ce que j'avance. Moi, accordez à l'unanimité. Mais puisque jamais je ne t'ai enseigné ce plat, où en as-tu trouvé la recette? Ma femme, j'ai vu les habitants de la ville du Cap rapporter des corbeilles de ces algues, les laver et les dessécher. Ils les laissent ensuite détremper 5 à 6 jours dans l'eau qu'on renouvelle chaque matin. Au bout de ce temps, on les fait cuire dans une petite quantité d'eau avec quelques écorces de citron et l'on obtient le plat que vous voyez. Faute de sucre et de citron, j'ai été obligé de me servir du jus de canne, d'hydromel et de feuilles de ravensara. Mais je crois que ma cuisine n'en est pas plus mauvaise. J'avais oublié de dire que dans notre dernière visite à l'île des requins, nous avions trouvé le manglier dans un état de prospérité tout à fait satisfaisant. Nos semis de noix de coco et nos plantations de pin étaient également en bon état. Dans la même excursion, j'avais découvert une source demeurée inconnue jusqu'alors et dont l'existence m'enchantait à cause de nos antilopes. Cet heureux résultat nous donna l'espoir de trouver l'île aux baleines non moins florissante, et nous ne tardâmes pas à nous embarquer pour aller rendre visite aux lapins angora. Je reconnus de loin qu'ils s'étaient déjà multipliés depuis leur séjour dans l'île, et je vis avec plaisir qu'ils pouvaient trouver une nourriture sans endommager nos plantations. À notre approche, les animaux se réfugièrent dans leur demeure souterraine, et je vis bien alors qu'il fallait leur construire une habitation de nos propres mains si nous voulions nous emparer sans peine de leur toison. Cet ouvrage nous occupa 2 jours et reçut le nom de garenne. Quant aux plantations, elles présentaient un aspect peu satisfaisant, car les lapins avaient rongé toutes les jeunes pousses et la plupart des noix de coco. Les pins seuls étaient épargnés. Il fallut donc recommencer la plantation, mais en l'entourant cette fois d'un rempart de plantes épineuses. Avant de quitter l'île, nous allâmes visiter la carcasse de la baleine que nous trouvâmes entièrement dépouillée de sa chair. Les oiseaux du ciel, l'air et le soleil en avaient si bien fait disparaître toute trace que les ossements me semblèrent tout prêts à être mis en œuvre. Je fis donc choisir 12 de vertèbres dans lesquelles nous passâmes une forte corde pour les remorquer jusqu'à Felsenheim avec notre chaloupe. Un beau matin que j'étais occupé dans l'atelier, tous les enfants disparurent avec des souricières. Il n'était pas difficile de deviner leur projet, et je leur souhaitai bonne chasse. Je ne tardai pas à sortir moi-même dans l'intention de rapporter une provision d'argile dont j'avais besoin. Et ma femme m'accorda d'autant plus facilement la permission de m'éloigner qu'Ernest, au lieu de suivre ses frères, était demeuré dans la bibliothèque au milieu de nos livres. J'attelai donc Sturm à notre vieux traîneau, restauré depuis peu avec les roues d'un canon, et je me dirigeai vers le ruisseau du Chacal, suivi de Bill et de Brown. En arrivant près de nos nouvelles plantations de manioc et de pommes de terre, je ne vis pas sans un profond chagrin qu'une grande partie venait d'en être dévastée. Au premier abord, je ne pouvais m'expliquer ce désordre, mais en approchant, je reconnus, aux traces récentes qui sillonnaient la terre, qu'une troupe nombreuse de cochons avait causé ce désastre. Curieux de savoir si nous avions affaire à des animaux sauvages ou domestiques, je résolus de suivre les traces qui me conduisirent bientôt à l'ancienne plantation de pommes de terre dans les environs de Falkenhorst. J'étais irrité contre les pillards qui laissaient la table si bien servie de la nature pour venir se rassasier dans nos plantations. Mais je n'en apercevais aucun, bien que la troupe dût être nombreuse. Les chiens finirent cependant par s'élancer dans un épais taillis, d'où j'entendis aussitôt sortir un grognement hostile. Regardant alors avec précaution, j'aperçus notre vieille truie entourée de 8 petits cochons d'environ 2 mois. Toute la troupe était sur la défensive, tenant les chiens en respect à l'aide d'une formidable rangée de dents menaçantes. Mais l'armée effet m'avait tellement exaspéré que je ne pus m'empêcher de décharger mon fusil à 2 coups au milieu de la troupe. J'eus le bonheur d'en abattre 3 et le reste disparut aussitôt dans le taillis. Après avoir appelé les chiens qui se mettaient en devoir de continuer la chasse, je leur abandonnai les 3 têtes et je chargeai mon butin sur le traîneau sans trop m'enorgueillir d'une victoire que je devais à un accès de colère peu honorable pour mon sang-froid. Je ne tardai pas à arriver au terme de mon voyage et à reprendre le chemin de Falkenhorst avec une bonne provision d'argile. Chapitre 16. Le moulin à gruau, le kayak, la vache marine. Je fus de retour longtemps avant les enfants, quoique ayant manqué l'heure du dîner aussi bien qu'eux. C'est pourquoi je priai ma femme de nous préparer pour souper un bon rôti de cochon. Ernest et moi nous lui servîmes d'aide de cuisine. L'un des cochons fut mis en état de paraître le soir sur la table. Les 2 autres furent salés et enfermés dans le garde-manger. La bonne mère, qui avait commencé à me faire quelques reproches sur ma chasse inutile, fut bientôt désarmée par mes excuses. Vers le soir, et au moment où je commençais à concevoir quelques inquiétudes, nous vîmes paraître Jack sur son autruche, suivi de ses 2 frères moins bien montés. Ceux-ci s'étaient chargés de tout le butin qui remplissait 2 énormes sacs. Il consistait en 4 oiseaux, 20aine d'odatras, 1 kangourou, 1 singe, 2 animaux de l'espèce du lièvre et 30aine de radeaux. Fritz rapportait aussi 1 botte de gros chardons que je n'avais pas remarqué d'abord. Alors commencèrent les cris, les récits et les admirations sans fin. La voix de Jack dominait toutes les autres. « Ah, cher père !» s'écria-t-il. « Quelle monture que mon autruche ! Elle vole comme le vent, et j'ai cru 2 fois que j'allais perdre la respiration. La rapidité de sa course fatigue tellement les yeux que c'est à peine si je voyais devant moi. Vous devriez me faire un masque avec des yeux de verre, afin que je voie clair à me conduire. » Moi: non pas, s'il vous plaît, monsieur le cavalier. Jack: et pourquoi non? Moi: pour 2 raisons. La première, c'est que tout ce que tu demandes à tes parents, tu l'obtiens sans peine et sans travail. La seconde, c'est qu'au milieu de mes nombreuses occupations, il me semble raisonnable de vous laisser faire ce qui n'est pas au-dessus de vos forces. On s'habitue bien vite à la paresse en demandant aux autres ce qu'on peut exécuter soi-même. Fritz: ah, papa, nous avons eu bien du plaisir aujourd'hui. Nous avons vécu de notre chasse et nous rapportons un bon nombre de peaux que nous pourrions échanger contre du brin de vin avec les marchands fourreurs. Toutefois, nous voulons bien vous les donner pour 1 verre de muscat de Felsenheim. Moi: le marché est accepté, car vous paraissez avoir bien mérité 1 verre de vin, quoique vous soyez parti pour votre chasse un peu trop brusquement. Franz: quant à moi, j'aimerais mieux quelque chose de solide, car la vie sauvage, la chasse et le cheval donnent un terrible appétit. Moi: un moment de patience et vous allez avoir de quoi satisfaire à tout. Nous allons voir le triomphe de la cuisine civilisée sur la cuisine sauvage. Mais avant tout, il faut prendre soin de vos montures. Un bon cavalier songe à son cheval avant de songer à lui-même. À peine cette besogne était-elle terminée que la mère apporta le souper à la grande satisfaction de nos chasseurs en accompagnant chaque plat de quelques remarques plaisantes. « Voici d'abord, s'écria-t-elle, un cochon de lait européen transformé en marcassin d'Amérique. Il a laissé là sa tête pour courir plus vite, selon la coutume des imbéciles. Et voilà maintenant une excellente gelée aux tantôtes, cueillie dans le potager de la vieille Tétis. Les saillies de la mère furent accueillies avec des applaudissements unanimes, surtout lorsque nous la vîmes reparaître avec une bouteille de notre excellente hydromel que nous dégustâmes avec autant de plaisir qu'en éprouvaient les dieux d'Homère en savourant leur nectar à la table de Jupiter. Alors Fritz nous raconta comment ils avaient passé tout le jour aux environs de Waldeck et comment ils avaient disposé leurs pièges de tous côtés, se servant de carottes pour attirer les ondatras et de menus poissons pour les radeaux. Quelques racines d'anis et une demi-douzaine de poissons pêchés à la ligne avaient composé tout leur dîner, et à peine avaient-ils pris le temps de préparer ce frugal repas. Ici, l'impétueux Jack reprit la parole en s'écriant « Ah oui, et mon chien est un animal impayable. Ne m'a-t-il pas fait lever des lièvres sous le nez ?»« Oui, » ajouta Franz, « et il m'a conduit droit au kangourou, qui paissait tranquillement l'herbe à 10 pas de nous. C'est une jeune bête, j'en réponds, et qui n'avait pas encore eu le temps de sentir l'odeur de la poudre. » « Et moi, » reprit Fritz, « j'ai eu le bonheur de découvrir ces gros chardons qui pourront nous être utiles pour le cardage de notre feutre. J'ai rapporté aussi plusieurs rejetons dont quelques-uns sont déjà gros et qui ne tarderont pas à devenir des arbustes. Enfin, j'ai abattu, avec mon fusil, un singe impudent qui m'avait lancé une énorme noix de coco presque sur la tête. » Après le souper, m'étant mise à examiner nos richesses de plus près, je reconnus dans les plantes de Fritz une espèce de chardon à carder qui devait atteindre parfaitement notre but. Parmi les rejetons qu'il rapportait, je remarquai avec plaisir une pousse de cannelle. La mère reçut ces nouvelles plantes avec reconnaissance et le lendemain matin, elle les fit mettre en terre dans son potager avec le plus grand soin. Pendant ce temps, je m'occupai de la construction d'une machine que j'avais imaginée pour écorcher les animaux. La caisse du chirurgien me fournit une grande seringue dont je parvins sans beaucoup de peine à faire une machine à compression assez passable, au moyen d'une ouverture et de 2 soupapes. Au moment où les enfants venaient de terminer leurs préparatifs sans beaucoup d'empressement, je m'avançai solennellement avec ma machine qui me donnait un air si martial que toute la troupe ne put s'empêcher de partir d'un bruyant éclat de rire. Sans leur répondre un mot, je ramassai le kangourou encore étendu à mes pieds et le tenant pendu par les jambes de derrière, de manière que sa poitrine venait toucher la mienne, je pratiquai une ouverture dans la peau de l'animal entre les 2 jambes de devant. Puis, introduisant le tuyau dans l'ouverture entre cuir et chair, je me mis à souffler de toutes mes forces. Je continuai l'opération jusqu'à ce que la peau de l'animal fût entièrement détachée de la chair, après quoi je laissai le reste du travail à mes compagnons ébahis. Il suffit de quelques minutes pour achever l'opération, qui n'avait pas coûté la moitié du temps ordinaire. « Bravo, bravo !» s'écria toute la troupe. « Notre père est un véritable sorcier. Mais par quel artifice a-t-il pu obtenir un pareil résultat ?»« Mon artifice est bien simple, » répondis-je, « et il n'est pas un Groenlandais auquel il ne soit familier. Aussitôt qu'ils ont pris un chien de mer, ils commencent par le souffler ainsi. De cette manière, l'animal surnage au-dessus de l'eau et ils le remorquent facilement avec leur kayak. On dit aussi que les bouchers se servent de ce procédé pour donner à leur viande un aspect séduisant et en trouver plus facilement le débit. Je réitérai mon opération pour chacun des animaux et j'eus bientôt achevé ma tâche parce que j'acquérais plus d'habileté à chaque nouvelle expérience. Toutefois, le jour entier fut rempli par ce travail. Depuis longtemps, j'avais besoin d'une meule pour moudre notre grain et dans ma dernière excursion, j'avais remarqué un arbre qui m'avait semblé propre à cet usage. Le lendemain, nous nous mîmes en route pour aller l'abattre avec tout l'attirail de cordes, de coins et de haches utilisés en pareille circonstance. Arrivé au pied de l'arbre, je fis monter Fritz et Jack au sommet avec l'ordre d'abattre les branches qui pourraient le gêner dans sa chute. Ils durent aussi attacher de longues cordes au-dessous de la cime afin que nous puissions faire tomber l'arbre du côté qui nous semblerait le plus convenable. Ensuite, la scie fut mise en œuvre au pied du tronc. Après avoir pratiqué une profonde entaille de chaque côté, nous courûmes à nos cordes que nous commençâmes à tirer de toutes nos forces. Le tronc s'inclina et ne tarda pas à s'abattre avec un bruyant craquement et sans le moindre accident. Une fois par terre, je le fis partager en tronçons de 4 pieds de long qui furent immédiatement chargés sur le chariot. Le reste du bois fut laissé sur la place pour servir en temps et lieu. Tout ce travail avait demandé 2 jours, et ce ne fut que le troisième qu'il me fut possible de mettre le bois en œuvre. À chacun des tronçons, j'adaptai une traverse en forme de fléau qui se relevait et s'abaissait à volonté, et de manière qu'une des extrémités retombait sur la partie plane du bois. À cette extrémité venait se fixer un marteau de bois dont la tête arrondie correspondait au centre du billot, légèrement creusé à cette place. À l'autre bout de la traverse, j'attachai une espèce d'auge dont le poids fut calculé de telle sorte que le marteau se trouva plus léger que l'auge lorsqu'elle serait remplie d'eau. Quand l'auge s'emplissait, la traverse, en retombant, élevait le marteau. Et quand elle se vidait, elle accélérait la chute du marteau sur le billot. Je terminai mon ouvrage en fixant au centre du billot une vertèbre de baleine dont l'ouverture formait un mortier naturel. Ce travail achevé, je me mis en devoir d'amener l'eau du puits derrière la maison et à une hauteur convenable au moyen d'un conduit de bambou. Mes conduits furent disposés au-dessous de la chute d'eau à environ 1 pied de profondeur. Du grand conduit partaient 6 tuyaux, plus petits, destinés à aller porter l'eau à chacune des auges qui, se remplissant et se vidant alternativement, ne pouvaient manquer d'imprimer au marteau un mouvement uniforme. Nous avions obtenu de cette manière le moulin le plus convenable à notre position, attendu qu'il marchait sans roue et que la confection d'une roue avec ses accessoires se fût trouvée probablement au-dessus de nos forces. Aussitôt que la machine fut achevée, ma femme plaça quelques mesures de riz dans les mortiers et passa la journée entière à surveiller la marche de l'appareil. À la fin du jour, le grain était entièrement débarrassé de son enveloppe et prêt à être employé à la cuisine. La lenteur de la machine nous inquiéta peu lorsque nous fûmes assurés qu'elle marchait assez bien pour l'abandonner à elle-même. « Quel bonheur !» s'écrièrent les enfants. « Nous voilà en état de préparer de l'avoine, de l'orge et de tous les autres grains pour faire de la soupe et de la bouillie. Notre bonne cuisinière et ses aides seront délivrées à l'avenir de l'éternel travail du pilon. » Pendant que nous étions encore occupés à la construction de nos pilons, nous remarquâmes que les jeunes autruches faisaient de fréquentes visites à notre nouveau champ et qu'elles rentraient au logis rassasiées. Mais quel ne fut pas mon étonnement quand je reconnus qu'effectivement le grain était mûr, alors qu'à peine 4 mois s'étaient écoulés depuis l'ensemencement. Ainsi nous pouvions compter à l'avenir sur 2 récoltes par an. Cette découverte nous occasionna un travail inattendu et tout à fait hors de saison, car c'était précisément l'époque du passage des harengs et des chiens marins. La mère ne se lassait pas de gémir en demandant comment nous viendrions à bout de cette menaçante série de travaux, car elle n'oubliait pas que c'était également l'instant de faire la récolte du manioc et des pommes de terre. Je la consolai en lui rappelant que le manioc pouvait rester en terre sans inconvénient, tandis que la récolte des patates était bien moins pénible dans cette terre légère que dans les terrains pierreux de notre pays. « Quant au grain, ajoutai-je, nous en ferons la moisson et le battage à la mode italienne. Si nous y perdons quelque chose, nous le rattraperons bien à la récolte suivante. » Sans perdre de temps, je fis préparer devant la maison une espèce d'esplanade que nous arrosâmes ensuite de fumier liquide. Puis je fis fouler la place par notre bétail, en même temps que nous battions la terre avec des avirons, des pelles et des masses. Lorsque le soleil eut séché le sol, nous l'arrosâmes une seconde fois, et je le fis battre et fouler de nouveau, jusqu'à ce que la terre fût devenue aussi dure et aussi unie que celle des airs de notre pays. Alors nous nous rendîmes au champ, munis de faucilles, et suivis de Sturm et de Brummer, qui portaient la grande corbeille destinée à recevoir le grain. Arrivée sur la place, ma femme demanda des liens pour les gerbes et les enfants des fourches et des râteaux pour rassembler les épis en monceaux. « Point tant de cérémonie, leur dis-je. Aujourd'hui, nous travaillons à l'italienne, et l'italien est trop ennemi de la peine et du travail pour savoir ce que c'est qu'un lien ou un râteau lorsqu'il s'agit de moisson. » « Mais, reprit Fritz, comment s'y prennent-ils pour rassembler les gerbes et pour les rapporter à la maison ?» « De la manière la plus simple du monde, lui répondis-je, car ils ne font pas de gerbes et ils battent le grain sur place. » Fritz demeura quelques instants pensif. Il ne savait trop comment s'y prendre pour commencer son rôle de moissonneur. Alors je lui dis de prendre une poignée d'épis dans la main gauche, en se servant de la faucille avec la droite. de lier chaque poignée avec un lien de paille et de la jeter ensuite dans la corbeille. Ma nouvelle méthode plut beaucoup aux jeunes travailleurs et le champ fut bientôt dépouillé de sa riche moisson, tandis que notre corbeille se remplissait d'une ample provision d'épis. « Voilà une belle économie !» s'écria ma femme en gémissant. « Tous les épis tombés restent sur le sillon avec le chaume, et c'est un spectacle à briser le cœur d'un bon et brave moissonneur suisse. » « Vous vous trompez, lui dis-je. L'Italien est trop bon ménager pour laisser perdre ses restes précieux, mais il paraît qu'il aime mieux les boire que les manger. » « Voilà une énigme qui a besoin d'explication, répartit ma femme. « Et vous allez la voir, ma chère femme, lui répondis-je. Comme l'Italie renferme plus de terres labourables que de pâturages, le fermier manque d'herbe et de foin. Alors il conduit son bétail dans les champs moissonnés, après avoir eu la précaution de laisser l'herbe pousser entre les sillons pendant quelques jours ou quelques semaines. Le bétail ainsi nourri donne un lait excellent, et c'est pourquoi l'on peut dire que l'Italien aime mieux boire le superflu de son grain que de le manger. « Mais alors, où prennent-ils leur litière ?» me demanda ma femme. « Moi, nulle part, car il n'est pas dans leurs habitudes de s'en servir, quoique je n'ose décider si cet usage n'entraîne pas de graves inconvénients. Mais occupons-nous maintenant du battage, qui n'est pas moins simple que la moisson. » De retour à la maison, nous commençâmes les préparatifs de cette importante opération. Ernest et Franz, sous la direction de leur mère, répandirent les gerbes en cercle sur toute la superficie de l'air, après avoir trié les différentes espèces de grains. Alors commença une opération toute nouvelle et toute bizarre. Les quatre enfants, grimpés sur leur monture, reçurent l'ordre de courir tout autour de l'air, pillant et broyant le grain au milieu d'un nuage de paille et de poussière. Ma femme et moi, armés de pelles de bois, nous étions chargés de réunir les épis dispersés et de les remettre sur le passage des batteurs en grange. Cette nouvelle méthode donna lieu à quelques incidents que je n'avais pas prévus, car de temps en temps, nos montures attrapaient une bouchée de grains battus, sur quoi ma femme observa malicieusement que si cette manière de nourrir les animaux n'était pas tout à fait économique, elle épargnait du moins les frais de grenier et de conservation. Mais je lui répondis gravement par le proverbe « À bœuf qui bat, bouche pleine ». D'ailleurs, ajoutai-je, ce n'est pas à côté d'une pareille moisson qu'il faut se montrer avare, et une poignée de grains par-ci par-là n'est pas une si grande perte. Le grain battu, il fallait le nettoyer. Les épis furent donc jetés au vent avec des pelles avanées, de sorte que la paille et les écorces vides s'envolaient avec la poussière, tandis que le grain retombait par son propre poids. Je laissai les enfants se relayer dans cette désagréable opération, rendu plus pénible encore par notre inexpérience. Pendant le vannage, toute notre volaille était accourue à la porte de l'air et elle commença à becquer si furieusement le grain que pendant plus d'une minute un rire général nous laissa sans force contre la formidable invasion. Les enfants s'étant élancés avec impétuosité pour arrêter le pillage, je modérai leur ardeur en ajoutant « Laissez ces nouveaux hôtes prendre part à notre superflu. Nous y perdrons quelques poignées de grains, mais nous y gagnerons de bonnes volailles. D'ailleurs, cet abandon a quelque chose de patriarcal qui convient tout à fait à notre nouvelle vie. » Lorsque nous en vîmes à mesurer notre récolte, nous trouvâmes plus de 100 mesures de froment et au moins 200 mesures d'orge qui furent serrées avec soin dans la chambre aux provisions. Le maïs demandait une manipulation particulière. Les épis furent séparés des tiges, épluchés et étendus sur l'air pour sécher. Nous les battîmes ensuite avec de grands fléaux pour faire sortir le grain. Cette opération produisit plus de 80 mesures à notre grand étonnement. D'où je conclus que cette semence était parfaitement appropriée au climat et au terrain. Maintenant, il s'agissait de préparer de nouveau le champ pour la seconde récolte. Il fallait débarrasser le terrain du chaume et des tiges de maïs qui devaient nous fournir d'excellentes bourrées. Lorsque nous arrivâmes avec nos faucilles, nous fûmes bien étonnés de trouver la place occupée par une troupe nombreuse de cailles du Mexique qui avait profité de nos deux jours d'absence pour s'établir dans les sillons. La surprise fut si complète qu'il ne nous resta entre les mains qu'une seule caille, abattue d'un coup de pierre par l'adroit Fritz. Je me promis bien pour l'avenir de faire une bonne récolte de cailles après chaque récolte de blé en disposant des lacets dans les sillons. La paille fut mise en meule et destinée à renouveler notre provision de fourrage. Les feuilles de maïs nous servirent à remplir nos paillasses. Enfin, le chaume brûlé nous donna des cendres que ma femme fit mettre à part pour les lessives. Lorsque la terre fut préparée, je m'occupai de l'ensemencement. Et cette fois, pour varier la récolte, je semai du seigle, du froment et de l'avoine. À peine ce travail était-il achevé que le passage des harengs commença. Comme la maison était abondamment fournie de provisions, nous nous contentâmes d'un tonneau de harengs fumés et d'un tonneau de harengs salés. Toutefois, les viviers furent remplis afin de nous fournir du poisson frais dans l'occasion. Immédiatement après, commença une chasse bien autrement importante, celle des chiens de mer, à laquelle je me livrais avec un zèle toujours croissant depuis l'invention de ma pompe à air qui me donnait toute facilité pour enlever les peaux. Dans cette grave occasion, le kayak fut équipé en guerre pour la première fois. Je préparai en même temps deux harpons garnis de vessies qui furent placés de chaque côté du bâtiment dans deux courroies disposées à cet effet. Ces préparatifs terminés, Fritz endossa sur le rivage son vêtement de pêche, des pantalons de boyau de chien de mer, le juste au corps dont nous avons fait la description, et une cape groenlandaise formait son armure défensive. Les armes offensives étaient les deux rames et les deux harpons qu'il agitait fièrement en l'air comme le trident du dieu des mers en prononçant le fameux « Quos ego » de Virgile. Bientôt, il prit place dans le kayak et s'éloigna du bord pour la chasse aventureuse. Un formidable cri de triomphe annonça le départ du bâtiment et nous entendîmes Fritz entonner, avec assurance, le chant du pêcheur groenlandais. La bonne mère, en dépit de toutes ses inquiétudes, ne pouvait s'empêcher de rire et de l'aspect grotesque de notre embarcation et du bizarre accoutrement de notre chevalier de mer. Quant à moi, j'étais sans inquiétude, sachant que Fritz était excellent nageur et qu'on pouvait compter sur sa vigueur et son sang-froid dans une occasion difficile. Toutefois, pour rassurer sa mère, je fis mettre la chaloupe en état afin de courir au secours de notre pêcheur s'il était menacé de quelque catastrophe. Après plusieurs évolutions couronnées de succès, notre héros, encouragé par les acclamations des spectateurs, voulut entrer dans le ruisseau du Chacal. Mais son entreprise échoua, et nous le vîmes bientôt entraîné vers la pleine mer avec la rapidité d'une flèche. À cette vue, je jugeai prudent de mettre la chaloupe à l'eau pour suivre les traces du malencontreux voyageur. Mais malgré tout notre empressement, le kayak avait disparu avant que la chaloupe fût sortie de la baie. Toutefois, la rapide embarcation, encore accélérée par le mouvement de nos trois rames, eut bientôt atteint le banc de sable où notre navire avait échoué et vers lequel le courant avait dû emporter l'aventureux pêcheur. Dans cet endroit, la mer était hérissée de rochers à fleurs d'eau, battus par les vagues, qui laissaient de temps en temps leur tête à découvert en se retirant. Nous eûmes bientôt trouvé un passage qui nous conduisit au milieu d'un labyrinthe de petites îles escarpées qui allait rejoindre un promontoire éloigné et d'un aspect sauvage. Ici, mon embarras redoubla, car la vue, bornée de toutes parts, ne permettait pas de reconnaître les traces du kayak. Et comment deviner lequel de ces îlots pouvait dérober Fritz à nos regards? L'incertitude durait depuis quelques instants lorsque je vis s'élever dans l'éloignement une légère fumée suivie d'une faible détonation que nous crûmes reconnaître pour un coup de pistolet. « Ah, c'est Fritz !» m'écriai-je avec un soupir de soulagement. « Où donc ?» demandèrent les enfants en relevant leurs têtes inquiètes. À cet instant, une seconde détonation suivit la première, et je pus les assurer qu'au bout d'un quart d'heure, nous aurions rejoint le fugitif. Nous répondîmes à notre tour par un coup de feu dans la direction que je désignais, et notre signal ne resta pas longtemps sans réponse. Je fis aussitôt virer de bord vers l'endroit indiqué. Ernest regardait à sa montre d'argent, et au bout de 10 minutes, nous étions en vue du kayak. 5 autres minutes n'étaient pas écoulées, que les deux embarcations se trouvaient bord à bord. Notre étonnement fut à son comble lorsque nous eûmes aperçu une vache marine que notre intrépide aventurier avait frappée à mort avec ses deux harpons et dont le cadavre flottait à la surface de l'eau. Je commençai par faire au héros groenlandais quelques reproches sur sa disparition qui nous avait jetés dans une grande inquiétude, mais il s'excusa sur la rapidité du courant qu'il avait entraîné malgré lui. « Je ne tardai pas à rencontrer plusieurs vaches marines, » ajouta-t-il, « mais elles ne me laissèrent pas le temps de les attaquer. Après une longue poursuite, Je parvins enfin à enfoncer mon premier harpon dans le dos de la dernière de la troupe. La douleur de sa blessure ayant ralenti sa course, je réussis bientôt à faire usage de mon second harpon. Alors l'animal chercha un asile au milieu de ces rochers, où je le suivis et où je me hâtai de l'achever avec mes pistolets. Moi, tu as eu affaire à un redoutable adversaire. Quoique la vache marine soit d'un naturel craintif, ses blessures la rendent quelquefois furieuse. Elle se retourne alors contre son ennemi et met en pièces le canot le plus solide à l'aide de ses redoutables défenses. Enfin, te voilà sain et sauf, grâce à Dieu, ce qui vaut mieux que toutes les vaches marines du monde. Car en vérité, je ne sais trop ce que nous allons faire de celle-ci. Elle a bien 14 pieds de long, quoiqu'elle ne me paraisse pas encore parvenue à toute sa taille. Fritz, ô cher père, si nous ne pouvons tirer le corps de ce labyrinthe de rochers, permettez-moi au moins de rapporter la tête avec ses deux terribles défenses. Je l'attacherai à la proue de mon kayak, que je baptiserai du nom de la vache marine. Moi, dans tous les cas, nous n'abandonnerons pas les défenses. C'est la partie la plus précieuse de l'animal. Elles sont très recherchées, à cause de leur blancheur qui peut se comparer à celle de l'ivoire. Quant à la chair, elle ne vaut pas la peine qu'on s'en occupe. Ainsi, pendant que je vais découper quelques lanières de cette peau épaisse, qui peuvent nous devenir utiles, empare-toi de la tête que tu désires. Mais hâtons-nous, car le ciel s'obscurcit comme s'il se préparait un orage. Ernest, je croyais que la vache marine est un animal du Nord. Comment s'en rencontre-t-il dans ces parages? Moi, ton observation est juste, mais il est possible qu'il s'en trouve aussi vers le pôle antarctique et qu'une tempête les ait entraînés jusqu'ici. Du reste, on a au cap une espèce de vache marine plus petite que celle-ci. Elles se nourrissent d'algues et aussi de moules et d'huîtres, qu'elles détachent des rochers à l'aide de leurs dents. Cet entretien n'avait pas interrompu notre travail et Fritz fit observer qu'il serait utile d'ajouter à l'équipement du kayak, une lance et une hache, aussi bien qu'une petite boussole dans une boîte de verre, afin que le rameur puisse s'orienter si une tempête le jetait en pleine mer. L'observation me parut si juste que je promis de m'en occuper. Lorsque notre travail fut terminé, j'offris à Fritz de le prendre dans la chaloupe avec son embarcation, mais il préféra retourner comme il était venu, afin d'aller annoncer notre arrivée à ma bonne femme, que cette longue absence devait inquiéter.